y a pas qu'à Paris que les filles sont jolies. À Paris, y en a, mais ailleurs aussi. Et tout aussi jolies. Y a pas qu'à Paris que l'on est séduit par tous ces minois aux yeux qui sourient. Je ne peux pas faire un pas sans en voir deux zouzouas qui m'attirent et m'inspirent. Oh, toi, et hein? Le cœur en émoi, je me dis, chaque fois qu'il est dur de choisir. Y'a pas qu'à Paris que les filles sont sexy, on en trouve des tas du nord au midi. Ah, je crois. Pyrénées, Champs-Élysées, les jupons sont les mêmes. Le dernier que l'on voit passer, c'est celui que l'on aime. Pont de Nantes ou bien d'Avignon, avec sans soleil, ou Robinson sous les lampions, pour danser, c'est pareil. Y'a pas qu'à Paris que l'amour fleurit. Eh ben heureusement. Car ici ou là, on le cueille aussi. Et bien mieux qu'à Paris. Y'a pas qu'à Paris, en province aussi, les filles on les a quand on est gentil. Pas besoin de leçons, je connais la façon d'obtenir la victoire. Tous les moyens sont bons, mais il faut, nous dit-on, il faut surtout vouloir. Il en est ainsi dans tous les pays, quand l'amour sourit, les filles sont jolies. Oui, qu'elles sont jolies. Oui, qu'elles sont jolies. Y'a pas qu'à Paris.